Senza, cherche pas plus loin. C'est Senza, cherche pas plus loin. C'est Senza, cherche pas plus loin. C'est Senza, cherche pas plus loin. Faut pas tester le pélo après un verre poli à pilon. Dès que je kick la scru, j'peux pas m'empêcher d'insulter. J'ai le flow qui pète des saltos, posé à l'aise comme insultant. Toujours le mot pour jouer, couche court, j'vais t'enfourcher. Va te coucher, les faux MC, j'n'en ferai qu'une bouchée. Le Senza, toujours à l'affût pour un fourraille un 16. Et les petits PD d'EMS, s'y m'écouteront pour renifler un sexe. Encore j'trac, putain de merde, on va me prendre pour un alcoolo. Avec tout ce que j'me bédave, j'suis en tête par tous les écolos. Qu'est-ce que tu te pâmes, y'a rien de rigolo. Chez moi c'est mon train dans une station, y'a plus de cyclodo. Fais attention si tu te gares par là, car ça pique l'auto. Sinon ça pue le gono, même dans ton tiers, ce sera le vide-grenier. Ma voix colle à l'instru comme une toile avec son araignée. Si tu voles dans mes pattes, c'est mon venin, tu risques de t'imprégner. C'est Senza, cherche pas plus loin, faut pas tester le pélo après un verre poli et un pilon. C'est Senza, cherche pas plus loin, faut pas tester le pélo après un verre poli et un pilon. Senza, cherche pas plus loin, faut pas tester le pélo après un verre poli et un pilon. Senza, le matador qui le matin dort, qui te met des patates d'or. Et si tu me crois pas, et pas t'as tort. Motherfuck.